Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. La bataille d'Alger. Pourquoi l'a-t-on appelée ainsi alors même que cela n'a pas été une bataille au sens où l'on entend d'habitude ce mot, c'est-à-dire, selon la définition du petit Robert, l'action de deux armées qui se combattent. Rien de cela dans la bataille d'Alger. Pas de front, ni même d'affrontement direct. Des uniformes, oui, mais dans un seul camp. Et puisqu'on nage en pleine hypocrisie, il n'est même pas question de guerre puisque, officiellement, il ne s'agit que de pacification. Et pourtant, l'expression s'est peu à peu imposée, d'abord sur les ondes de Radio Alger, puis c'est le chef des paras engagé sur le terrain, le général Massu, qui va parler de bataille, même si plus tard il a avoué trouver le terme excessif. Mais, après tout, pourquoi pas? Car l'armée française a soif de batailles victorieuses. Humiliée en 1940, chassée d'Indochine, paralysée et contrainte à la retraite à Suez, elle veut, elle doit gagner. Et incontestablement, elle vaincra Alger. Mais à quel prix? À tel point que pour la plupart des historiens, ce fut en réalité une victoire à la Pyrrhus. C'était donc en 1957, il y a tout juste 50 ans. Un véritable tournant dans cette guerre d'Algérie qui ne veut pas dire son nom. Pour la première fois, en effet, avec la bénédiction des autorités civiles, l'armée dispose de tous les pouvoirs et lâche la bride à ses officiers qui rêvaient d'appliquer grandeur nature leur théorie de guerre révolutionnaire. Monsieur X revient donc sur ces événements et des méthodes qui feront école jusque dans la lointaine Amérique du Sud. Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloigner la misère. Nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. C'était il n'y a pas si longtemps, fin août 2003 exactement. Donc, quelques mois après le début de l'intervention de la coalition en Irak. Et ce jour-là, à Washington, le Pentagone fait du cinéma. C'est-à-dire ? Des officiers d'état-major et quelques civils sont invités à visionner un film dans un auditorium de ce bâtiment qui abrite les plus hautes autorités militaires des États-Unis. Et ce film ? C'est la bataille d'Alger. Ah, le film de l'italien Gillo Pontecorvo. Oui, une œuvre de 1965, récompensée à Venise, mais longtemps interdite de projection en France. Et sur la carte d'invitation envoyée à ces officiers d'état-major, on peut lire ceci, et ça mérite d'être intégralement cité. Alors, attendez. Voilà. Des enfants tirent sur des soldats à bout portant. Des femmes mettent des bombes dans des cafés. Et bientôt, toute la population arabe communie dans une ferveur folle. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, c'est une allusion assez directe à ce qui se passe aujourd'hui en Irak. C'est évident. Et le texte d'invitation se poursuit ainsi. Les Français ont un plan, ils obtiennent un succès tactique, mais ils subissent un échec stratégique. Pour comprendre pourquoi, venez à cette projection rare. J'ajoute que l'idée de cette projection revient à la direction des opérations spéciales et des conflits de faible intensité. Dans le jargon militaire, ça veut dire guérilla. Ah oui, conflit de faible intensité. Cette division militaire, alors, espère donc que les spectateurs en tireront des leçons. En effet, il faut dire, mais vous avez sans doute vu ce film. Mais sur Arte, oui. C'était, à ma connaissance, la première projection à la télévision hertzienne française. Eh bien, vous savez donc que ce film a été tourné sur les lieux mêmes de la bataille d'Alger. La Casbah. Oui, et il fait preuve d'un grand réalisme. À tel point que certains ont pu penser qu'il s'agissait d'un documentaire. En tout cas, c'est une œuvre qui n'évite aucun des aspects les plus barbares de la bataille d'Alger. Oui, l'utilisation de la torture en particulier, les parafrançais. C'est ça, oui. Alors, même si je ne veux pas m'attarder, il faut bien dire que le film de Pontecorvo a eu un curieux destin. Pourquoi ? Justement à cause de la vérité qu'il met en scène. Songez qu'à l'époque de la guerre du Vietnam... La guerre américaine. Oui. Eh bien, il a été projeté sur les campus états-uniens par les opposants à cette guerre. Plus tard... Il a été utilisé comme une sorte de manuel filmé de guerre urbaine par certaines organisations extrémistes de gauche, les Black Panthers en particulier. Mais, à contrario, cette réalisation, qui a d'abord eu pour but de dénoncer la sale guerre des Français en Algérie, va servir aux zélateurs des méthodes contre-révolutionnaires. Soyez plus précis. Les dictateurs sud-américains le projettent à leurs apprentis tortionnaires. Quoi ? Pour leur apprendre à bien torturer ? Tout à fait. Et aussi pour leur enseigner les méthodes de répression des guérillas urbaines. Et c'est sans doute pour ces raisons que certaines unités spéciales israéliennes ont-elles aussi visionné le film de Pontecorvo ? Décidément, Et c'est d'autant plus étonnant que le producteur de la bataille d'Alger, Yassef Saadi, a été lui-même un adversaire résolu des parades massues qui ont fini par le capturer en septembre 1957. Et ni lui, ni Pontecorvo n'entendaient faire l'apologie de la torture. Bien sûr que non. Ouais. Leur film a donc été en partie détourné. Sans doute parce qu'il était trop vrai. Ouais, trop réaliste, vous voulez dire. Exactement. Mais il ne faut pas trop s'étonner. Ce sont des militaires français qui ont inventé la guerre contre-révolutionnaire ou guerre anti-subversive et qui l'ont en quelque sorte codifiée. Des Français qui... a-t-on estimé à l'étranger, ont fait preuve d'une redoutable efficacité lors de la bataille d'Alger. Par conséquent, ce sont devenus de précieux experts et de nombreux pays ont demandé à bénéficier de leur lumière. Ces dictatures d'Amérique du Sud, là, dont vous parliez. Pas seulement, les États-Unis, confrontés à la guérilla du Viet Cong et un peu désemparés, il faut bien le dire, ont fait appel à leur service. Et c'est ainsi que des instructeurs comme le trop célèbre général Osares ont traversé l'Atlantique pour aller former leurs collègues états-uniens. et ses pédagogues très spéciaux n'y sont pas allés les mains vides. Dans leur bagage, ils avaient une copie de la bataille d'Alger. Une copie volée, j'imagine. Oh, bien évidemment. Je me souviens avoir vu à la télévision une interview du général Ossarès qui disait le plus grand bien du film de Pontecorvo. C'est quand même... Avouez que c'est quand même très étonnant, cette récupération. Bon, je suis d'accord avec vous. Alors, venons-en à la genèse de tout cela. Ouais. Attendez, une dernière question sur ce sujet-là. Ces militaires qui sont allés instruire leurs collègues étrangers, l'ont-ils fait avec l'accord des autorités militaires françaises? Bien sûr. Et ça a commencé très tôt, cette coopération. Avant même la fin de la guerre d'Algérie, des délégués argentins sont venus se familiariser avec les méthodes employées par nos spécialistes. En France? Non, en Algérie même. Il a donc bien fallu qu'ils soient autorisés à le faire par nos gouvernements. Et plus tard, quand Ossarès, pour ne citer que lui, a été envoyé à Fort Bragg aux États-Unis, c'est avec le plein accord du ministre de la Défense, Pierre Messmer. Mais, bien sûr, on a demandé à tous ces coopérants d'un type très spécial de se montrer relativement discrets. Oui, parce qu'on risquait le scandale. Évidemment. Il aurait été désastreux d'apprendre que sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, des instructeurs français collaboraient avec les tortionnaires de la junte argentine. Ouais. Alors même qu'on condamnait officiellement ce régime dictatorial. Et que certains de nos compatriotes ont été victimes des bourreaux de Buenos Aires. Enfin, passons, au moins provisoirement. Pour bien comprendre tout cela, il faut remonter assez loin en arrière. À l'époque de notre guerre d'Indochine, si je puis dire. Je vous écoute, là. Bon, là-bas, malgré l'éloignement, l'armée française dispose d'une incontestable supériorité technique en armes et matérielles. Et en partie, grâce aux États-Unis, qui ne vont pas lésiner, nous envoyer des quantités de véhicules, de blindés, de canons, et etc. Et des hélicoptères. Ouais. Washington, après avoir un temps flirté avec les nationalistes du Viet Minh, va en effet se rendre compte que se joue en Indochine une partie importante de la lutte contre le communisme. Ouais, et pour les Américains, au moins dans un premier temps, la France défend là-bas le monde libre. C'est aussi simple que ça, oui. Et quand notre pays devra partir, les États-Unis nous remplaceront aussitôt. Pour empêcher que d'autres dominos du sud-est asiatique ne tombent à leur tour. Bien entendu. Je disais donc que sur le plan de l'équipement, nos troupes étaient bien supérieures aux misérables bandes armées du Viet Minh. C'était en tout cas évident sur le papier. Et pourtant, nous n'arrivions pas à vaincre et à éradiquer la rébellion. Pire, la propagande ennemie était si efficace qu'elle permettait au Viet Minh de gagner la sympathie d'un nombre toujours plus important d'indigènes, comme on disait encore à l'époque. Alors que certains chefs militaires ont commencé à se poser des questions, c'est bien ça, hein ? Oui, pas au sommet de la hiérarchie, où on entendait continuer à se battre comme on l'avait appris à l'école de guerre et comme on l'avait toujours fait. Non, plutôt parmi les capitaines et leurs supérieurs directs, lieutenant-colonels ou même colonels. Des types qui, il faut le noter, ont souvent été des résistants. Certains d'entre eux ayant même été déportés par les nazis. Et ces jeunes officiers ont commencé par faire une observation toute simple. Quoi ? Le jour, les troupes françaises parviennent à contrôler tant bien que mal la situation. Mais dès que la nuit tombe, et elle tombe très tôt en Indochine, c'est le Viet Minh qui prend la main. Il installe ses pièges, harcèle les camps isolés, tend des embuscades, oblige les commerçants des villes à donner leur obol. En outre, les Viet, comme disent les soldats, circulent comme ils le veulent, parce qu'ils connaissent le terrain et parce qu'ils sont chez eux. Je vois où vous voulez en venir, là. La théorie de Mao Zedong, ils sont comme des poissons dans l'eau. Eh oui, l'eau étant la population, bien sûr. Alors, effectivement, ces officiers français vont se précipiter sur le petit livre rouge. Et la lecture du pape de la Révolution chinoise va bouleverser ce qu'ils croyaient savoir sur l'art de la guerre. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. Marie-Monique Robien, journaliste et documentariste, a écrit un ouvrage indispensable sur ce qu'elle a appelé l'école française des escadrons de la mort. Elle a interviewé l'un de ses officiers qui ont découvert en Indochine une nouvelle façon de faire la guerre, Charles Lacheroy. Elle raconte cet entretien. Aujourd'hui encore, Charles Lacheroy est intarissable sur le rôle de la nuit dans ce type de guerre. Manifestement, c'est un point clé qu'il n'a eu de cesse de transmettre aux milliers d'officiers qu'il a formés. Nous avons compris, tardivement, que pour gagner contre le Viet Minh, il fallait être maître de la nuit, alors que nous étions habitués à nous coucher avec les poules. Heureusement, en Algérie, nous n'avons pas commis la même erreur. Question. Concrètement, ça voulait dire quoi? Eh bien, faire des patrouilles de nuit. Vous comprenez, quand vous arrivez à un point où vous ne pouvez pas aller pisser dehors sans que votre adversaire le sache, on n'en sort plus. En fait, la clé de la nuit, c'est la population qui la tient, ce que Mao appelait les arrières. Fidèle à ses enseignements, le Viet Minh avait très bien compris qu'il fallait soigner les arrières avant de soigner la troupe. Évidemment, ce n'est pas comme cela que travaille une armée classique. Dans ces mots, pointe un reproche à peine voilé, partagé par un certain nombre d'officiers qui ont fait l'Indochine. Le sentiment que l'état-major ne comprend rien à la guerre menée par le Viet Minh et que, faute de savoir innover, l'armée est condamnée à l'échec. Certains de ces contestataires sont précisément ceux qui innoveront le plus quelques années plus tard en Algérie, au risque d'y perdre leur âme. Les escadrons de la mort, l'école française, de Marie-Monique Robin, a été publié par La Découverte. Pourtant, alors, malgré le fait que ces officiers ont lu Mao, la guerre d'Indochine va se terminer en désastre pour nos armes. Ah, tiens, bien fou, oui. Parce que là encore, le commandement a sous-estimé la capacité de l'adversaire à accomplir des exploits. Et c'était effectivement un exploit que d'acheminer secrètement dans la jungle tous ces canons qui vont pilonner la cuvette de Dien Bien Phu. Enfin, ne revenons pas sur cet épisode, nous en avons déjà largement parlé. Oui, vous avez souligné à l'époque les erreurs commises par nos stratèges. Hein. Bon, mais je reviens à ce que vous disiez malgré la lecture de Mao. Eh bien, ces jeunes officiers vous répondraient qu'ils n'ont pas été écoutés par leur hiérarchie. Et qu'il était certainement trop tard pour mettre en pratique cette nouvelle guerre qu'il préconisait. Parce que le Viet Minh avait déjà gagné la guerre de la propagande et que la population lui était acquise. Une entreprise minutieuse, mais terriblement efficace. Alors, pour reprendre cette fameuse expression de Mao Zedong, le Viet Minh était véritablement comme un poisson dans l'eau. Et il était désormais impossible de vider l'eau du bassin. Oui. Avant de poursuivre, quels étaient les principes de cette nouvelle guerre que réclamaient ces officiers? Une guerre qui a d'ailleurs été théorisée par l'un d'entre eux, le colonel Trinquier. Son ouvrage, La guerre moderne, deviendra même le bréviaire de nombreuses armées un peu partout dans le monde. Les principes Une observation d'abord. Ces militaires qui vont prêcher la guerre révolutionnaire et qui sont en général farouchement anticommunistes vont donc emprunter leur théorie à leurs pires ennemis. Les communistes. Telle est en effet la vérité. Alors, les principes, face à un adversaire insaisissable qui se dilue dans la population à la première occasion, il faut d'abord quadriller systématiquement le terrain. Deuxième principe, le renseignement, qui doit être une priorité absolue. Et le renseignement qu'on doit obtenir par tous les moyens. Y compris la torture, ouais. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais enfin, c'est implicite. Seule l'obtention de renseignements permet l'éradication de l'organisation politique et militaire de l'ennemi. Enfin, pour simplifier, il y a aussi l'action psychologique. Et ça peut revêtir de nombreuses formes. La première, la plus féroce, telle qu'elle sera utilisée en Algérie par un futur putschiste, le colonel Argou, consiste à terroriser la population. Des exactions, quoi. Oui, ouais. Mais au vu et au su de la population. On fusille publiquement et on expose les cadavres. Le but étant de dissuader les candidats qui seraient tentés de rejoindre les maquis. Mais cette action psychologique peut être aussi beaucoup plus subtile. Et ce sera l'objectif des futurs SAS, les sections administratives spécialisées. Le militaire se transforme en assistant social, en infirmier ou en instituteur. Il vient en aide aux populations. C'est ça. Tout cela est très ambigu. car il est difficile de mener de front répression et pacification. Oui, en effet, un peu contradictoire. Et la répression ne peut que nuire aux efforts de la pacification. Et pourtant, Dieu sait que cette potion magique, l'action psychologique, fera se rengorger tous les officiers qui vont être envoyés en Algérie. On enseignera même les méthodes de l'action psychologique à l'école de guerre. Mais il me semble à moi, qui ne suis ni un grand stratège, ni un habile tacticien, que la partie était perdue d'avance. Pourquoi ? Parce que la décolonisation était en marche ? Et même l'action psychologique prônée par nos capitaines et colonels ne pouvait entraver cette évolution. Tout au plus, pouvait-elle la retarder ? Il reste quand même, mais on va en reparler un peu plus loin, qu'un certain nombre de méthodes inventées par ces militaires français vont faire école. Mmh, oui, dans des contextes différents. C'est exact. Hein. Mais pour être tout à fait exhaustif, il me faut aussi vous dire que la guerre révolutionnaire... Ah, plutôt, attendez, contre-révolutionnaire. Non, vous avez raison. Donc cette guerre moderne, pour reprendre l'expression de Trinquier, prévoit aussi d'autres actions. L'implantation de zones de résistance, ce qu'on appellera les hameaux stratégiques, où l'on regroupe des villageois pour mieux les surveiller et où on les rééduque politiquement pour les pousser à se battre contre le Viet Minh. On fabrique des harkis, au fond. Et puis, il y a des actions armées qui empruntent aux méthodes des services-actions. Sabotage, coup de main contre les chefs Viet Minh, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent le célèbre 11e choc qui sera à l'œuvre. Attends, le 11e choc, c'est le bras armé du SDEC. Hein. Oui, oui, ouais. il faut le rappeler, a été créé par Osares. Ah, oui. Osares qu'on va retrouver naturellement en Indochine. Toutefois, bon, je reviens à nos militaires. Pour beaucoup d'entre eux, la défaite de 1954, c'est un vrai coup de massue. Non seulement notre empire colonial s'effondre, morceau après morceau, mais c'est aussi la victoire du communisme. Le communisme qui menace maintenant l'Occident chrétien. C'est ça. Et tous ces officiers qui, pour la plupart, vont être envoyés en Algérie, sont littéralement malades de l'Indochine. Puis, attends, il faut rappeler aussi qu'il y a l'humiliation de Suez. Hein. Où, en 1956, ils vont être frustrés d'une victoire annoncée. Ouais. Donc, ils ont une grande envie de prendre leur revanche. Certainement. J'ajoute quand même qu'avant de quitter l'Indochine, certains d'entre eux ont déjà expérimenté les méthodes de contre-guérilla qu'ils vont désormais expérimenter en Algérie. Et en particulier, bon, l'usage de la torture. Là-bas aussi, on a utilisé la fameuse gégène pour faire parler les prisonniers récalcitrants. Ouais, gégène, car il s'agit d'une génératrice d'électricité. Oui, qui permettait de faire fonctionner les téléphones de campagne. Une sorte de manivelle. C'est ça. Enfin, pour être tout à fait honnête, il faut dire que les militaires n'ont pas été les premiers à employer la torture contre ceux qu'on appelait les indigènes. Dès 1936, le gouverneur général de l'Algérie, qui était alors le radical socialiste Maurice Violette, fait état de cas de torture. Qui torturait alors ? Ben, les services de police. Et en 1949, un autre gouverneur, Edmond Degelen, devra même pondre une circulaire interdisant cette pratique dans les commissariats. Ah, ça veut dire que c'était assez courant. Il me semble, oui. Et au début des années 50, on enregistrera plus de 80 plaintes de Nord-Africains affirmant avoir été torturé par la police. Bon, enfin, il faut dire, ça n'excuse rien, bien sûr, que depuis les événements de Sétif en 1945, les nationalistes algériens ne cessaient de manifester et de revendiquer. Ouais, avant même la Toussaint 54. Ouais, et puis le climat devenait de plus en plus tendu. En tout cas, ce que je retiens, c'est que les militaires n'ont pas été les premiers à utiliser la torture en Algérie. C'est tout à fait exact. Il y avait une sorte de tradition, si je puis dire. Tradition. Quoi qu'il en soit, les officiers qui ont combattu en Indochine annoncent clairement leur intention d'appliquer en Algérie les méthodes de la guerre révolutionnaire que les Trinquiers et autres Lachaurois ont théorisées. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé en Indochine, ben, ils ont l'oreille de leurs supérieurs. Les plus hauts gradés, tels le général Salan, les soutiennent. Et dès 1955, à l'est d'Oran, on crée le centre d'instruction de la pacification et de la contre-guérilla. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une école d'action psychologique ? C'est exactement ça, oui. Et on y voit passer non seulement les officiers et sous-officiers nommés en Algérie, mais aussi des militaires étrangers qui viennent ainsi s'initier aux méthodes françaises. À l'innovation, comme on dit alors très hypocritement. Pourquoi hypocritement ? Oh, parce qu'il s'agit ni plus ni moins de dissimuler des pratiques qui sont toutes condamnées par les conventions de Genève. La torture, bien sûr, mais aussi les déplacements forcés de population et les exécutions sommaires. Ainsi, pour éviter de prononcer le mot « torture » dans la recherche du renseignement, eh ben on parle de méthode de coercition. Un euphémisme, ça veut dire la même chose. Et nos militaires de se trouver des excuses. Cette guerre, ils veulent bien sûr parler de l'Algérie, leur est imposée. Par conséquent, ils doivent riposter et ils y sont obligés. Et tant pis s'ils se trouvent amenés à utiliser des techniques que la morale et la civilisation occidentale réprouvent. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Il faut bien souligner que si les principaux chefs militaires présents en Algérie vont inciter leurs subordonnés à user de pratiques interdites par les lois de la guerre, le pouvoir politique n'est pas en reste. Ainsi, le gouvernement de Guy Mollet, qui a obtenu de l'Assemblée les pouvoirs spéciaux, signe un décret autorisant les militaires à se substituer aux autorités civiles. Pour Sylvie Thénault, auteur d'une histoire de la guerre d'indépendance algérienne, le gouvernement est alors convaincu que les forces de l'ordre doivent légalement recevoir tous les moyens d'agir. Et elle poursuit, je la cite, « Maurice Bourgès-Monory ne disait rien d'autre le 31 mars 1955 quand, ministre de l'Intérieur, il soutenait le projet de loi d'état d'urgence devant les députés. Je pense qu'avec le droit commun ancien, le policier, le militaire était souvent devant l'horrible choix d'être inefficace ou d'être des meurtriers. Cela doit désormais être évité. Pour cette raison, Bourgès-Monory signe le 1er juillet 1955 avec le général Koenig, alors ministre de la Défense, l'instruction qui, définissant les conditions de la lutte au sol, autorise de tirer sur tout suspect qui tente de s'enfuir. Une telle prescription permet aussi de couvrir les décès sous la torture ou de tuer en dehors des combats, sans risque de poursuite judiciaire ni de sanctions. Sur déclaration des militaires, en effet, les gendarmes établissent des procès-verbaux déclarant comme « fuyards abattus » des hommes et des femmes morts dans des circonstances invérifiables. Dans le cas de Maurice Oudin, jeune mathématicien du Parti communiste algérien, Les militaires vont même jusqu'à jouer une fausse évasion pour expliquer sa disparition. Le livre de Sylvie Thénault est paru chez Flammarion. Ici, je voudrais vous parler d'événements qui, après coup, apparaissent comme le prélude de la bataille d'Alger. Je veux parler des émeutes de Philippeville en août 1955. À cette date, il faut le noter, l'état d'urgence a déjà été décrété en Algérie. Avec quelles conséquences ? Les pouvoirs de la police sont considérablement renforcés. Mais ça n'empêche pourtant pas le FLN de perpétrer des attentats. À Philippeville, par exemple, en juin 1955, plusieurs bombes éclatent. Et un ouvrier pied noir est violemment assailli à coups de pelle par l'un de ses collègues, un musulman. Il est grièvement blessé. Un fait divers ? Non, la police estime qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat politique. Et comme elle est débordée par la recrudescence du terrorisme, elle remet le coupable aux mains du futur général Osorès. Et lui, alors, que fait-il là ? Il est toujours membre du service action du SDEC. Osorès a été envoyé dans le Constantinois quelques semaines seulement après la Toussaint 1954. Mmh. Avec quelle mission ? Le renseignement. Et ça signifie que notre service d'espionnage est d'ores et déjà engagé dans la lutte contre les FLN. À l'époque, on pense en effet que les nationalistes algériens sont manipulés par Moscou. Et déjà, le service action a éliminé un certain nombre de militants ou envoyés par le fond des bateaux chargés d'armes. Des opérations auxquelles a participé Osorès ? Naturellement. Toutefois, officiellement, le SDEC ne peut pas agir sur le territoire français. Mais l'Algérie fait partie de la France. Donc, encore. On a trouvé un subterfuge pour envoyer Osorès là-bas. Il est en principe incorporé dans un régiment de paras. Mais en réalité, il travaille étroitement avec les services de police et les gendarmeries. Alors, revenons à ce musulman qui a attaqué son collègue pied noir. Osorès l'interroge. Il veut savoir à quelle organisation il appartient et qui lui a donné des ordres. Oui, en sortie, il veut remonter la filière. En effet. Mmh. Et pour le faire parler, il utilise les méthodes qu'il a déjà expérimentées en Indochine. Ouais, alors, la torture. Bien sûr. Mais malheureusement, ce type résiste. Et Osorès finit par le tuer. N'inventant rien, hein, c'est Osorès lui-même qui a raconté cet épisode dans ses mémoires. Et ce livre qui a fait scandale. Oui, parce que ce général a reconnu de façon très franche les nombreux assassinats qu'il a commis. Oui, et la pratique systématique de la torture. Hein. Osorès a même utilisé un mot terrible pour illustrer son action en Algérie. Il a dit « j'étais un nettoyeur ». Et c'est donc en tant que nettoyeur qu'il a été envoyé en Algérie ? Exactement. Le SDEC voulait liquider le FLN. Et la liquidation de ses membres faisait partie de l'objectif. Surtout quand il refusait de parler. Et observez qu'un homme, comme Osorès, n'a jamais eu d'état d'âme. Aujourd'hui encore, il n'éprouve aucun remords. Ouais, une vocation de tueur, en somme. Non. Osorès n'a rien d'une brute épaisse. C'est plutôt un intellectuel épris de culture classique. Rien ne destinait à devenir l'assassin qu'il est devenu. Il faut aussi dire que ce farouche gaulliste a choisi très tôt l'action clandestine. Donc la résistance ? Oui. Et ensuite, ça a été les services secrets. Et puis, l'engrenage de la violence. Mais une violence qu'il justifie. En exécutant des personnages qui ont des liens avec le terrorisme, Osorès a le sentiment de faire son devoir et de remplir des tâches que ni la justice ni la police ne peuvent ou ne veulent accomplir. Le sale boulot, ça. C'est ça. Ouais. Et je reviens sur la question, là. Ses supérieurs directs sont-ils au courant ? Ah, ça, je l'affirme. Même si certains déplorent son activité. En tout cas, il faut observer qu'aucune sanction n'a jamais été prise à son encontre. Ouais. Alors, qui ne dit mot au consent ? C'est ce que je pense. Oui. Après cette parenthèse, si vous voulez bien, revenons aux événements de Philippeville. Le 20 août 1955, une véritable émeute éclate dans le Constantinois. Une émeute spontanée ? Non. Derrière, il est évident qu'il y a le FLN. En tout cas, cette insurrection est d'une extrême violence et embrase des dizaines de villes et villages. Des femmes, des paysans s'en prennent essentiellement aux Européens. Un vrai massacre. On comptera plus de 100 morts. Et ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Sétif 10 ans plus tôt. Hein. La différence que le FLN n'existait pas encore et que le déchaînement de la violence côté musulman n'était pas prévu. Quoi qu'il en soit, comme à Sétif ou Guelma, les Européens, épaulés par les militaires, entreprennent aussitôt de se venger. Quoi, des ratonnades ? Des représailles sauvages, oui. Et c'est là où l'on retrouve Osorès. Lui, à la tête de ses paras, il conduit les Nord-Africains qui ont été faits prisonniers au beau milieu du stade de Philippeville. Et il ordonne à ses hommes de les exécuter à la mitraillette. Ouais. Pour faire un exemple ? L'utilisation de la terreur fait aussi partie des méthodes de la guerre révolutionnaire, rappelez-vous. Ouais. Alors, combien de morts, hein? Bon, difficile à dire. Selon certains chiffres, il y aurait eu jusqu'à 12 000 morts, mais ce chiffre me paraît exagéré. En tout cas, des centaines et des centaines de morts, ça, c'est certain. Mmh. Et encore une fois, alors, Osiris n'encourt aucun reproche. Aucun, non, bien au contraire. C'est-à-dire? Eh bien, le général Massu fait le déplacement de Philippeville pour venir féliciter le commandant Sarès. Ça paraît inouï, hein? Oui, oui, mais ça mérite quand même une explication. Les félicitations reviennent à l'homme qui, grâce à la pertinence des renseignements qu'il a recueillis avant le déclenchement de l'insurrection, a sans doute permis de sauver de nombreuses vies de pieds-noirs et d'Européens en général. Et comment alors? Ben, il a pu faire désarmer à temps les postes militaires et les gendarmeries. Pourquoi alors? Afin d'empêcher les rebelles de s'emparer des armes qui s'y trouvaient? En effet, oui, oui. Mais de la part de Massu, là, aucune allusion aux assassinats perpétrés dans le stade? Apparemment non. Toutefois, enfin, j'étais pas sous la table quand les deux hommes se sont rencontrés. Ouais, bon. J'imagine. Mais cette terreur, alors, exercée par Osiris, entre autres, hein, n'était-elle pas contre-productive? Vous voulez dire qu'elle risquait de creuser encore un peu plus le fossé entre les deux communautés algériennes? Ben oui, et d'hypothéquer gravement l'avenir. Et d'empêcher toute réconciliation, c'est certain. Mais un type comme Osiris se moquait bien de la réconciliation. Ce que voulaient les chefs de l'armée, c'était la destruction de ce qu'ils appelaient l'OPA, l'organisation politique et militaire de la rébellion. Pour eux, la paix, c'est-à-dire en fait la soumission des Algériens, était à ce prix. La soumission? Ben évidemment. Mais c'est bien plus tard qu'on emploiera les grands mots. La fraternisation, par exemple. Mais en 1955, alors que la rébellion est encore toute jeune, c'est l'éradication qui est à l'ordre du jour. Et bien sûr, le maintien des traditions coloniales. Ouais, le statu quo, quoi. Mais, pardonnez-moi, je reviens un peu en arrière, là. Vous avez dit que Sarès savait qu'une insurrection allait éclater dans le Constantinois. C'est parfaitement exact. Alors, n'aura-t-il pas été possible de la prévenir? Bah écoutez, franchement, je ne sais pas. Enfin, on peut se poser la question, effectivement. Mmh. Alors, allons un peu plus loin. N'est-il pas possible d'imaginer qu'on n'a rien fait pour éviter ce drame? Si je vous dis ça, c'est que je me souviens de notre entretien sur les événements de Sétif, hein? Oui, je vois. Bon, après une répression qui a été féroce et a duré plusieurs jours, le général qui a dirigé les opérations a dit « Nous avons gagné 10 ans ». Oui. 10 ans de calme avant l'inéluctable reprise de la violence. Alors, certains chefs militaires n'ont-ils pas tenu ce raisonnement? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, s'ils ont cru qu'en frappant aussi fort, ils pouvaient gagner du temps, ils se sont lourdement trompés. Parce que, loin de décroître, la révolte va aller en grandissant et les musulmans seront toujours plus nombreux à rejoindre les rangs de la rébellion. Et on assistera à une sorte de paroxysme fin 1956. Juste avant la bataille d'Alger. Oui, oui. Une bataille dont nous reparlerons longuement la semaine prochaine. Une bataille où nos preux de la guerre révolutionnaire et de l'action psychologique vont donner, si je puis dire, toute la mesure de leurs talents très spéciaux. La revue Historia a récemment consacré un dossier à la bataille d'Alger et à ses prémices. Et justement, l'historien Rémi Koffer écrit ceci à propos des événements du Constantinois d'août 1955. La révolution est en jeu, estime Youssef Zigoud, le Saint-Just du Constantinois. Muré dans sa détermination, le nouveau chef de la Vilaya II commence à entrevoir un effroyable quitte-ou-double. Qu'on parvienne à lancer la région dans un processus d'insurrection générale, et voici les frères d'armes des Aurès soulagés. Voilà l'énergie qui circule à nouveau entre les Vilayates, l'initiative qui change définitivement de camp. Après mûre réflexion, le projet prend forme, plan qui conduit, il le sait, droit vers la guerre totale. Entre le 25 juin et le 1er juillet 1955, Zigoud réunit à Zaman une conférence générale de sa vilaya. L'opération qu'il décide alors avec l'accord souvent enthousiaste de ses subordonnés, que la mort n'effraie pas, ni la leur, ni celle des autres, devra durer 3 jours pleins. Au programme, attaque de casernes, de postes de police, de gendarmerie, d'objectifs économiques et liquidation systématique de traîtres. Quel qu'en soit le prix, il s'agit de jeter frontalement les musulmans contre les Européens. Comme en mai 1945, à Sétif et à Guelma, le sang va couler, c'est vrai. Il y aura des martyrs, beaucoup de martyrs, mais Après une telle hécatombe, impossible de revenir en arrière. Par ces représailles, l'armée française se chargera de creuser elle-même le fossé entre les communautés. Provocation, répression, mobilisation, le cycle infernal est en marche.